Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Ça faisait longtemps. Bah oui. Alors là, on était un petit peu absent parce qu'on avait terminé notre truc. Mais là, il y a un événement important qui arrive. C'est la sortie du film Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 le 12 juillet. Le 12 juillet, vous savez exactement ce que vous faites. Bon, bah oui. Ça, c'est, au moins, c'est réglé. Tout le monde. L'agenda, on écrit Mission Impossible, cinéma le plus proche. On y va. Ok, mais d'ici là, qu'est-ce qu'on fait ? Mais il manque un mois ! Il y a un mois à attendre encore. Ça, c'est un vrai problème. Oui. Et on s'est dit, parce qu'on a quand même un peu de compassion, on s'est dit, on va vous aider. On va vous aider à compter les dodos d'ici là. C'est très bien. Et on fait un petit compte à rebours. Oui, une pastille par jour, peinant 30 jours, du coup, du 12 juin au 12 juillet, en c'est attendant. Ça. Une pastille qui part de quoi ? Alors, on va faire des tops et des flops sur la carrière de Tom Cruise. Ben oui, voilà. Parce qu'on aime Tom Cruise quand même. Parce que c'est un peu notre champ d'expertise. Ben oui. Et puis, ça nous permet de, voilà, de parler de thématiques et de reparler des films qu'on avait vus, etc. Une pastille qui dure à peu près entre 3 et 5 minutes. Grand maximum. Donc, tac, tac, on écoute. Tac, tac, on est là, ouais. La journée passe mieux. Et oui, et comme ça, et c'est avec l'excitation d'un enfant avant Noël qui ouvre tous les matins son petit chocolat pour dire « Ah, oh, encore 10 dodos avant Noël ». Ben voilà, Mission Impossible, c'est notre Noël à nous, donc on se propose de le passer avec vous pendant un mois à partir du 12 juin, tous les jours. Allez, c'est parti. Allez, go.